rien de plus facile, rien de plus meurtrier, rien de plus lâche aussi que les attentats terroristes contre les avions de ligne. Une petite bombe, un seul trou dans le fuselage, et c'est la catastrophe obligée. Un crash qui se traduit aussitôt en dizaines, en centaines de victimes. Nombreux ont été les exemples dans les années passées, à commencer par celui qui nous a touché le plus, celui du vol UTA 772, Brazzaville-Paris, en 1989. Presque à chaque fois, malgré les efforts souvent spectaculaires des enquêteurs qui sont allés jusqu'à reconstituer morceau après morceau les carlingues des avions sabotés, l'identité des terroristes et la responsabilité des commanditaires n'ont pu être formellement établies. C'est le cas dans l'affaire du DC-10 de l'UTA et également dans l'explosion du Boeing 747 de la Pan Am en 1988 au-dessus du village de Lockerbie en Écosse. Pour ces deux affaires, un même État, la Libye, a été fortement soupçonné d'avoir été à l'origine de ces attentats, ce qui lui a valu des sanctions de la part des Nations Unies. Mais encore une fois, aucune preuve définitive n'a pu être apportée. À l'occasion de notre nouvel entretien hebdomadaire, M. X a choisi d'aborder ce thème. Pourquoi ? Parce que, m'a-t-il affirmé d'emblée, ce genre d'affaires se prête à toutes les manipulations. Dans le monde bouillonnant du terrorisme international, il est aisé de brouiller les pistes à l'infini, d'entretenir la confusion, d'égarer la justice. Et, a-t-il poursuivi, c'est exactement ce qui s'est passé avec le crash du Boeing de la Pan Am. Alors, avant d'écouter la première partie de notre conversation, je vous propose un rapide rappel des faits. Ce 21 décembre 1988, en début d'après-midi, le vol 103 de la Pan Am décolle de Francfort. Après une escale à Londres, le Boeing 747 doit rejoindre Détroit. À bord, il y a une majorité d'Américains qui travaillent en Allemagne et retournent au pays pour les fêtes de fin d'année. Lorsque le jumbo jet, baptisé Maid of Sea, c'est-à-dire la demoiselle de la mer, redécolle de Londres après 2 heures d'escale, 259 personnes se trouvent à bord, passagers et membres d'équipage compris. Une demi-heure plus tard, l'avion vole déjà à plus de 30 000 pieds, c'est-à-dire un peu plus de 9 000 mètres, et le personnel de bord sert l'apéritif. L'appareil survole alors l'Écosse. Le commandant de bord a choisi la route nord, celle qui passe par le Groenland. Soudain, une violente explosion secoue le Boeing 744. Elle s'est produite à l'avant, sans doute dans une des soutes à bagages. Immédiatement, le jumbo jet prend feu et se désintègre. Au sol, dans le petit village de Lockerbie, c'est l'épouvante. Des fragments enflammés tombent sur le village, des maisons brûlent. Partout, des milliers de débris, des dizaines de corps dont certains sont encore attachés à leur fauteuil. 11 villageois trouvent la mort dans l'incendie qui dévaste la petite agglomération et parmi les passagers, il n'y a bien sûr aucun survivant. Très vite, on pense à un attentat. L'appareil était en excellent état et un premier examen des fragments du fuselage ne met en évidence aucun indice d'une éventuelle fatigue du métal. Mais surtout, les boîtes d'enregistrement retrouvées après le crash ne font état d'aucune anomalie, à l'exception de ce que les spécialistes appellent un faible bruit, le dernier signal transmis par le Boeing avant qu'il ne se désintègre, sans doute l'enregistrement de l'explosion. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais presque aussitôt après ce crash de Lockerbie, une violente polémique a éclaté. Non, rappelez-moi. Eh bien, très vite, on a appris que l'attentat de Lockerbie était programmé et qu'un certain nombre de gens savaient qu'il risquait de se produire tôt ou tard. C'était extrêmement grave, là, ce que vous me dites. Et qui étaient ces gens qui savaient et surtout, comment l'avait-il appris? C'est l'un des plus grands mystères de cette affaire au début du mois de décembre. C'est-à-dire très peu de temps avant la catastrophe. Oui, une quinzaine de jours. Donc, au début décembre, un correspondant anonyme appelle l'ambassade américaine à Helsinki au nom de l'organisation terroriste d'Abu Nidal. Et il indique que dans les 15 jours à venir, un attentat à la bombe sera perpétré contre un appareil de la Pan Am sur la ligne Francfort-États-Unis. Et c'est exactement ce qui va arriver. Oui. Mais dans ces conditions, je ne comprends pas, mais comment a-t-on laissé faire ? Les autorités américaines se sont défaussées en prétendant après l'attentat que cet homme avait déjà appelé à plusieurs reprises et que ses menaces n'avaient pas été suivies d'effet. Je ne vous sens pas très convaincu. Là, vous avez raison, parce que la réalité est quand même beaucoup plus complexe, plus sordide aussi.